Esto, papi, oggi su linea, c'è da dire, se ne fa un ritmo, cur, questo papi, se tu sì, se tu sì, vuole tutte le persone, belge o pas belge, che sono in situazione di precarietà. Tous les deux, on est avant tout des êtres humains, on est des personnes. Et nous, on voudrait pouvoir se regarder avec vous. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de porte-parole, on est tous leaders, on est tous porte-parole. C'est une action collective, créative et récréative. On va inventer nous-mêmes la forme de lutte là-bas sur place. On fera des assemblées. Les manifestants, on a, vous avez bien fait, vous êtes pour l'anarchie. Nous sommes en grève maintenant 89 jours. Notre revendication, c'est le permis de séjour de 1 an, plus un permis de travail ici. Nous, les étudiants et les autres sympathisants, ça fait depuis des semaines qu'on essaie de mobiliser. Depuis le début de la grève de la faim, on leur a dit que c'était pas une très bonne idée de faire ça, parce qu'il y a quand même, au niveau personnel, physique, psychologique, c'est très difficile. Et deuxièmement, avec la situation politique actuelle, il y a très peu d'ouverture. Bon, ils ont quand même décidé de faire la grève de la faim. No borders, no nations, stop deportation! Ni frontières, ni nations, liberté de circulation! Ni frontières, ni nations, liberté de circulation! Voilà, on bloque la grille, on s'est attaché devant. Voilà, c'est une action pacifique pour protester contre la politique et on est en matière de migration. Avec des barrages filtrants pour sensibiliser les étudiants à la question des sans-papiers ici sur l'UMD. Aujourd'hui en Belgique, on n'est pas vraiment au top au niveau des droits de l'homme, particulièrement à l'égard des sans-papiers. On voit avec l'ouverture d'un nouveau centre fermé prochainement. La frontière est fermée, messieurs, il faudra présenter une carte d'identité pour prouver que vous avez le droit de passer dans la zone du restaurant. Pas. Si vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pouvez pas manger. Vous n'avez pas le droit d'aller manger. C'est la loi qui a changé. Voilà. 1998, Rotenburg, Germany. 2000, Drifo, Spain. 2001, Frankfurt, Germany. 2002, Strasbourg, France. 2003, Frassinetto, Italy. 2007, Gatwick Airport, United Kingdom. 2009, Calais, France. September 2010, Brussels, Belgium.